La lune est claire. Lapin. Endormi. Souffle s'écrit. Rider's kill murmure. Son nom s'élève. Le viewer frissonne. La nuit. dire le charme, c'est mieux.